êtes à l'écoute de Pas de Quartier, l'émission du groupe Michel, sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Pas de Quartier reçoit aujourd'hui l'ami Gérard Philoche. Bonjour. Alors, ce qui est bien pour un présentateur, c'est que on n'a pas trop à te présenter, parce que tu es assez connu, Gérard. Mais enfin, bon, pour faire style, je rappellerai que Gérard est né dans un milieu très modeste, qu'il a fait ses études en 68, il les a terminées en 68, et après, tu as fait pas mal de meetings. Hein. Oui. Tu peux en dire quelques-uns? Il y en a moins une douzaine, alors il faut que j'énumère, c'est sûr. Alors attends. Alors je vais dire, je me souviens, j'ai dû être manutentionnaire, chauffeur-livreur, conducteur de train, facteur, pion, moniteur, journaliste, ouvrier du livre, prof de philosophie, j'ai oublié quelque chose. T'as été maître auxiliaire? Ouais. Journaliste, alors ça, oui, t'as été journaliste à Rouge. Oui. Voilà. Ça, c'était en 75, hein. Et t'as fini quand même inspecteur du travail. Ah oui, j'ai passé le concours. Quoi. Ah oui, ça se passe comment pour devenir inspecteur du travail ? C'est un concours, Quand à un moment donné, j'avais plus rien pour manger, j'ai passé trois concours de la fonction publique. Et j'ai été talentueux, j'ai été reçu aux trois, ça m'a permis de choisir. Et donc j'ai choisi inspection du travail. Mais je savais pas bien quelle était la nature de ce métier, pour tout vous avouer. Si j'avais pas été militant avant, inspecteur du travail me l'aurait fait devenir. D'accord. Bon, t'as eu pas mal de procès, hein, toujours par des grandes entreprises qui te trouvaient un peu trop sévère. J'en ai eu qu'un. Hein. J'en ai eu qu'un. Tu n'as eu qu'un procès. Ah, une seule grande entreprise, la numéro 2 des cosmétiques, après L'Oréal, hein, Guinot, Maricor. Ça a duré 8 ans, il y a eu 14 procédures au total, et j'ai gagné 14 procédures. 14-0, c'était le chaos. Alors, donc, tu as pris ta retraite en 2010 d'inspecteur du travail. Et en 2013, tu t'opposes. Ah oui, tu es rentré entre-temps au PS en 94, je crois. Oui. Oh, bah, j'ai commencé à militer dans les années 63, 64, quoi. Après la guerre d'Algérie, parce que c'est une question d'âge. Et puis, à cette époque, je suis allé à l'Union des étudiants communistes, à l'UNEF, et puis à tout ce qui est. Était militant de l'époque des années 60. J'ai ainsi vécu mes 68, comment dirais-je, en m'épanouissant quelque part. Ah parce bah, que oui, c'est marrant. Avant, j'étais persuadé intellectuellement qu'il pouvait y avoir des grandes grèves générales, et la grande grève générale est arrivée, et je l'ai vécu alors que j'avais 22 ans. Ah oui. Et maintenant, les choses ont un peu changé. Mais si je milite 50 ans après, c'est sûrement grâce à ce qu'a eu comme influence sur moi mes 68. Mais je pense que 68, on en dit beaucoup de mal en ce moment. C'est la plus grande grève de l'histoire de l'humanité. C'est la plus grande grève de l'histoire de l'humanité. Si, en proportion, bien sûr que si. Parce qu'à peu près 90 ou 95% du salariat était en grève. Toutes les couches du salariat étaient concernées, jusqu'aux gardiens de musée, jusqu'aux chirurgiens dentistes, aux joueurs de football, aux cinéastes, et même aux bonnes sœurs. Et ben voilà qui va faire plaisir à Ferry. Alors, donc, maintenant, tu t'es opposé récemment, parce qu'on va venir au sujet, en fait. Tu t'es opposé à l'ANI. Alors, en deux mots. Oui, c'est pas une sucette. C'est pas une sucette. C'est un accord national interprofessionnel. Il a été signé le 11 janvier 2013 par trois syndicats, en fait, qui étaient minoritaires. Mais ça a été retenu ensuite avec le MEDEF, et c'est devenu une loi, celle du 14 juin 2013, qu'on peut appeler loi Sapin par simplification, et il y avait dedans 27 articles, je crois qu'à la fin, dans la loi, il y avait 14 articles, et c'était déjà un peu du touche-à-tout, avant la loi Macron, c'est-à-dire qu'il y avait ça concernait au moins 10, 12, 15 sujets, le titre était absurde, ça s'appelait sécurisation de l'emploi, et alors que depuis, on a 250 000 ou 300 000 licenciements de plus, ça n'a rien sécurisé du tout, mais ça a largement contribué à affaiblir une petite partie des droits du travail dans tous les domaines, le fonctionnement des comités entreprises, les prud'hommes déjà, le temps partiel, les CDD, l'information des institutions représentatives du personnel, enfin, tout a été, comment dirais-je, érodé, légèrement passé à l'acide. Oui, on prépare les Français à ce qui va arriver après. Bon. Alors oui, c'est un plan, parce que le patronat s'attaque depuis maintenant une décennie au code du travail en tant que tel. Et donc, quand ils échouent à un moment donné, ils reviennent à la charge le coup suivant, et ils ont sans arrêt eu des objectifs qu'ils atteignent progressivement. Je peux dire une phrase, par exemple, dans la recodification du Code du Travail, qui, elle, avait eu lieu sous la droite entre 2004 et 2008, à laquelle je m'étais déjà opposé, il y avait des changements de mots, de termes juridiques, qui apparaissaient sans intérêt. Par exemple, là où il y avait marqué « tribunaux prud'hommes », ils le remplaçaient par « tribunal judiciaire ». Ou le juge judiciaire. C'est un pléonasme, ça. Oui, judiciaire. Oui, oui. Moi, je disais, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi vous ne mettez pas prud'homme ? Ah ben, il y a différentes catégories de jugement. Il y a les chambres sociales, oui, puis il y avait les tribunaux administratifs, oui, puis il y avait les tribunaux prud'hommes. Et en fait, ils préparaient ainsi le glissement des juges d'une catégorie à l'autre. S'ils envisageaient de supprimer la prud'homme, ils n'avaient plus besoin de changer l'expression. Le juge judiciaire, ça faisait l'affaire pour les deux autres tribunaux. Et comme on est passé depuis, on va en parler à propos de l'affaire Macron, on est passé des tribunaux, des chambres sociales aux tribunaux administratifs, le juge judiciaire, ça pouvait couvrir les trois. Ils le savaient, ils le voulaient, ils l'ont fait écrire vers 2007, et à peu près 8 ans après, ils y arrivent. Bien, tu vas te faire traiter de complotiste, Gérard. Non, parce qu'ils avaient fait la même chose sur l'inspection du travail. Ils avaient remplacé l'inspection du travail par autorité administrative. Alors moi, je hurlais. Ils me disaient, mais pour ça passe. L'inspecteur est aussi une autorité administrative. Oui, mais maintenant, c'est plus l'inspecteur qui décide, c'est le direct, c'est-à-dire c'est le chef. Mais ces deux autorités administratives, ils n'ont plus besoin de changer le code, mais ils ont changé qui décide. Lani, c'était un bon chausse-pied à la loi que nous concocte Macron. Hein, pour en venir au sujet. Oui. Et tu dis que, je ne sais pas si c'est toi qui le dis, que le diable est dans les détails. Donc oui, c'est moi qui le dis, oui. Je ne suis pas le seul. C'est une vieille formule. Mais là, la loi Macron, c'est 106 articles. Il y a quelque chose comme 230 chapitres. Il y a la place pour 19 ordonnances. Je ne sais pas si le chiffre est tout à fait exact, mais c'est à peu près de cet ordre. Et puis, ça touche à tout. À tout, absolument tous les aspects de la vie quotidienne des Français. Et alors, en ce moment, il y a des sondages qui disent que 65% des Français sont pour. Et en vérité, la vérité, c'est que 95% des Français savent ce qu'il y a dedans. Oui. La présentation de la loi Macron a été résumée à le travail le dimanche. Parfois, on a parlé du travail de nuit qui est devenu travail en soirée. Et parfois, on a parlé des autocars qui allaient remplacer les TER. Mais les Français n'ont aucune idée que ça touche aux hôpitaux, que ça touche au logement, que ça touche à la marchandisation du don du sang, que ça touche à l'épargne salariale, au droit du licenciement, au prud'homme, à l'inspection du travail, à la médecine du travail, au droit d'entrave, au droit pénal du travail, que ça concerne la privatisation des aéroports, la privatisation des gares. Voilà, je ne fais qu'un petit échantillon des 106 articles. D'ailleurs, c'est totalement antidémocratique de faire comme ça. Il y a un gars, il a fait un catalogue à la Prévert. Encore, c'est trop honorable de dire Prévert, là. Il a fait un catalogue. Et puis, il a mis tout ce qu'il avait dedans. Bon, par exemple, dedans, il y a une ligne Macron pour aller de Paris, Gare de l'Est, à Roissy. Il trouve qu'il va passer vite quand il prend l'avion. Alors, donc, il y aura une ligne rapide, direct, Gare de l'Est, Roissy. Mais par contre... Mais c'est le fait du prince. Oui, c'est le fait du prince. Par contre, il a décidé que finalement, les lignes TER, c'était pas rentable et qu'il fallait retourner à privatiser et faire reculer la SNCF. Donc, il a mis des autocars. Le gars, il dit, Macron est un personnage absolument extraordinaire. C'est digne c'est dans les romans du 19e siècle. Alors bon, si je pense à Zola, c'est pas Germinal, Macron, c'est l'argent. Hein, c'est les Rougon Macron. Hein. Le gars, il est sorti là d'un livre. C'est Guizot, enrichissez-vous. Il dit aux jeunes, ayez envie de devenir milliardaire. Quand il est en Allemagne, il dit s'il y a beaucoup de chômage en France, c'est parce que les salariés français sont trop protégés. Quand il est en Grande-Bretagne, il dit vous avez eu la chance d'avoir Madame Thatcher. Donc le gars est un vrai libéral pur sucre. Et en plus, il a eu là le fait du prince, c'est-à-dire qu'il peut faire dans cette loi à peu près tout ce qu'il veut. Et il a fallu que les députés se plient à ses desiderata, ses humeurs, sur 106 sujets différents. Oui, on peut se poser la question pourquoi il a été appelé aussi. Hein. Ah mais c'est scandaleux, je ne sais pas pourquoi cet homme gouverne la France. Il n'en a ni les qualités ni l'autorité. Et c'est un des pires fléaux que nous subissons en ce moment. Alors, moi aussi j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui se cachait sous ce joli nom de loi Macron, et il y a deux, trois trucs qui m'ont sauté au visage. C'est d'abord la notion, l'esprit du mot contrat de travail, qui jusque-là renfermait l'idée d'une subordination du salarié à son employeur, c'est-à-dire que son employeur peut disposer et de son temps et de sa puissance de travail comme il le désire, c'est-à-dire selon les axes qu'il désire. Non, pas comme il le désire, justement. Ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent. Subordination juridique permanent. Et quand vous êtes dans une entreprise, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité. Vous êtes subordonné. C'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat, de la rupture du contrat, de l'exécution de celui-ci et de combien il vous paye. Donc, c'est ainsi qu'est l'état de droit du travail. Mais, parce que vous êtes subordonné, en contrepartie, vous avez des droits. Donc, vous avez le code du travail. C'est-à-dire que la loi encadre les conditions de cette subordination. Et dès que vous avez un contrat de travail, arrive immédiatement ce qui est d'ordre public social dans le Code du travail, c'est-à-dire le SMIC, les 35 heures, les 48 heures, la durée maxima, la protection face aux questions d'hygiène, sécurité et conditions de travail, les institutions représentatives du personnel, les délégués du personnel, les comités entreprises, les comités hygiène, sécurité de travail, arrivent parce que vous êtes subordonné, donc vous avez un ensemble de droits qui compensent ou sont les contreparties de la subordination. Et le but du patronat depuis de très longues années, c'est de faire sauter la notion de subordination pour pouvoir enlever les contreparties. Et le MEDEF a fait un colloque il y a maintenant 4 ans, c'était en mars 2011, sur la soumission librement consentie. En anglais, c'est compliance without pressure. Je suis pas un bon accent, mais c'est ainsi qu'ils avaient invité des sociologues américains. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je suis subordonné mais j'ai des droits, on dit tu acceptes de ne pas avoir de droits dans ta soumission. Et c'est deux philosophies très différentes. Mais la deuxième, compliance without pressure, c'est les États-Unis. C'est là où il n'y a pas de code du travail. Vous relevez du droit civil. Et donc, vous êtes effectivement soumis sans contrepartie. Si vous allez revendiquer sur le litige né d'un conflit aux États-Unis, vous allez devant des tribunaux civils. Vous n'avez pas l'équivalent des prud'hommes. Vous n'avez pas un tribunal du travail pour régler les conflits du travail. Et donc, cette distinction-là, le MEDEF sert, elle est théorique, elle est fondamentale. C'est toute l'histoire du droit social français. Hein, puisque le Code du travail est né en 1910, la séparation du ministère de l'économie et du ministère du travail était en 1906. Alors que c'est Macron, ministre de l'économie, aujourd'hui, qui s'occupe du travail à nouveau. Hein. La naissance de l'inspection du travail est 1892. Et quand on remonte, l'histoire du Code du travail commence avec la réduction du temps de travail, puisqu'il s'agissait de mettre fin à des journées de 15h, 16h, 17h, où les femmes et les enfants mouraient au travail. Donc, l'histoire du Code, c'est l'histoire de la réduction du temps de travail sur 170 ans, et des droits qui permettent de contrôler cette réduction du temps de travail, et puis d'encadrer tout ce qui va aux conditions salariales. Bon, là, le MEDEF veut remettre ça en cause, donc la nouveauté, c'est dans Macron, c'est qu'il modifie l'article 2064 du Code civil. Alors, beaucoup de gens qui nous écoutent vont dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui nous sort de son chapeau, là? 2064 du Code civil, même moi, je l'ai lu deux fois, trois fois, c'est un de mes amis, Richard Abovit, qui m'a dit, mais regarde ça, Gérard. Et effectivement, c'est l'article du Code civil qui dit que toute relation de travail dépend du Code du travail. Donc si vous enlevez ça du Code civil, ça veut dire que la relation de travail peut maintenant dépendre du droit civil et non plus du droit du travail. Si vous avez ce changement, alors comment vous dire? Regardez les chauffeurs, ce qu'on appelle VTC, voiture tourisme avec chauffeur. Uber. Mmh. Et ben Uber, c'est simple, ils prennent la place des taxis. Ils n'ont pas de relation salariée avec Uber. Ils ont une relation commerciale. C'est-à-dire qu'en vérité, chacun d'eux à une course avec forfait. Mais c'est à eux de payer leur cotisation. Ils ont un contrat zéro heure. Ils n'ont pas de délégué du personnel, bien sûr. Ils n'auront pas même de 35 heures ou de 48 heures. Ils n'auront qu'une relation commerciale en tant qu'auto-entrepreneur avec le groupe Uber. Et donc, quand il y a un conflit sur ce contrat, ils ne vont plus au prud'homme, ils vont aller à un tribunal, un juge de paix et un arbitrage civil. D'ailleurs, la loi Macron prévoit, le projet de loi Macron, hein, parce qu'elle peut toujours pas voter, de loi Macron prévoit que dans ce cas-là, il y aura des arbitrages et non plus des tribunaux. Ça n'ira plus au prud'homme. Et l'arbitrage, c'est un peu, en gros, les commissions comme celle de Tapie, qui décide, on met trois personnes qui décident et qui vous arrangent le coup, quoi, quelque chose. Mais il n'y a plus de juge. Tu veux parler de Lagarde. Voilà, vous n'avez plus de juge. Et donc, en vérité, ce changement-là, c'est ce qu'il peut y avoir de pire en matière de droit du travail. De pire. Il y a un autre truc qui est grave aussi, c'est que L'autre aspect qui me semble très dangereux, c'est le fait qu'on contractualise, alors c'est un mot un peu savant, contractualiser, le règlement des litiges entre patrons et salariés. Ah oui, mais il va échapper au prud'homme, là. Je suis en train de vous dire que même quand ce sera un contrat de travail, ils vont mettre aussi des commissions d'arbitrage avant, les séances de conciliation. C'est-à-dire que le résultat de ça, c'est que vous avez plus de justice au sens réel du terme, et plus de juges. Donc vous n'avez pas d'équité, vous n'avez pas de garantie. Et même là, ce qui a été fait pour les licenciements, on va en parler tout à l'heure, mais c'est qu'ils mettent des barèmes. Et le juge doit suivre le barème. Moi, je suis contre que ça soit des barèmes. Le juge doit pouvoir décider. C'est comme en pénal. Oui, parce que si on a un patron voyou particulièrement scandaleux, qui licencie pour des raisons boursières des milliers de gens, il faut que il soit sanctionné très fortement. S'il y a un barème qui le protège, puis qui dit il n'y a que 6 mois à payer pour chaque salarié, évidemment, il peut se permettre n'importe quoi, et donc les patrons peuvent déraper. Tu combats aussi la flexibilité qui est tellement à la mode actuellement dans la bouche de tous les hommes et les femmes politiques. Toi, tu dis que les salariés qui sont encadrés par un code du travail bien précis, ce sont ceux-là qui sont rentables aux yeux du patron. Oui. Je vais contre toutes les idées à la mode sur le thème, la flexibilité, c'est ce qui va mieux pour le travail et tout. Mais c'est une bêtise absolue. La flexibilité, c'est l'ennemi de l'emploi et de la productivité. Ceux qui produisent le mieux, ce sont les salariés bien formés, bien traités et bien payés. Ce sont pas les flexibles. Les flexibles, ils font ce qu'ils peuvent, c'est pas leur faute. Mais ils sont dans des conditions de travail généralement absolument précaires, instables. Ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas la formation. On les utilise comme des pions et on les jette comme des Kleenex. Et donc, c'est même pas utile pour leur économie. C'est ce côté absolument absurde. Les économies, les flexibles, c'est dans les pays pauvres. Si vous avez des pays riches et productifs, c'est justement pas des flexibles. Et donc la propagande qu'on nous fait en faveur de la flexibilité est une absurdité totale, comme celle sur la compétitivité. En fait, les patrons veulent pas être compétitifs, contrairement à ce qu'on nous dit. Ce qu'ils veulent, c'est que leur marge soit importante. Parce que s'ils voulaient être compétitifs, ils le seraient immédiatement. Même comme on nous dit par rapport à l'ouvrier chinois ou l'employé indien, il suffirait qu'ils baissent leurs dividendes. Parce que si vous baissez les dividendes, les prix des produits sont moins chers et ils sont compétitifs tout de suite. Or, leurs dividendes, ils les augmentent sans arrêt. Donc, c'est bien Il faut paraît-il, des dividendes à deux chiffres, pourcentage à deux chiffres. Mais oui, bien sûr, parce que c'est la règle bancaire actuelle, c'est que si vous n'êtes pas autour de 15% de marge, eh ben, votre entreprise est censée n'être pas rentable. Donc, la banque dit au patron, monsieur, dans votre secteur, le ratio est plutôt celui-ci entre le nombre de salariés et le taux de marge que vous faites, et par conséquent, vous êtes en dessous, et je ne continue pas à vous aider si vous ne me mettez pas au niveau de ce qui règne dans votre branche. Donc, en fait, la banque pousse le patron à licencier, même quand il n'est pas obligé de le faire, et elle ne lui permet plus d'avoir des taux de marge qui soient de 5 ou 10%, comme ça a été même du temps des Trente Glorieuses, comme on dit. Maintenant, il faut avoir 15%, sinon on vous fait fermer. Donc, c'est la recherche de la marge qui supprime l'emploi. Et donc, en vérité, ce qui aujourd'hui explique le chômage de masse, c'est que ça rapporte plus de spéculer que d'embaucher. Ça rapporte le plus de mettre de l'argent dans les îles Caïmans que de les mettre dans les usines. Ça rapporte le plus la rente que l'emploi. Alors, hors antenne, tu m'as dit, Gérard, tout à l'heure, que en fait, le projet de loi Macron, c'est un petit peu comme un double jeu de 52 cartes. Hein. Il y a énormément de choses, c'est un fourre-tout. Hein. Et l'opinion publique et les médias qui la formatent, semblent avoir été principalement marqués par un certain nombre de détails. Et si on tombe d'accord, j'aimerais qu'on parle, dans la deuxième partie de l'émission, qu'on parle de ça. Oui. Hein, comme ça sera fait. Alors, ce qui semble-t-il a frappé le plus les imaginaires des journalistes, ça a été d'abord le travail du dimanche. Alors, qu'est-ce qui va changer, si ça passe ? D'abord que les gares seront ouvertes 52 dimanches, que les zones touristiques seront ouvertes 52 dimanches, que dans les autres zones commerciales, ça sera possible de d'ouvrir 12 dimanches au lieu de 5, que ensuite les salariés vont être obligés de venir bosser. Alors on nous ment sur deux choses. On nous dit que c'est le volontariat, et ensuite on nous dit qu'il y aura une majoration. Les deux choses sont fausses. Il n'y a pas de volontariat en droit du travail. D'ailleurs, essayez de travailler le dimanche si votre patron veut pas. Et essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut. Donc en vérité, c'est le patron qui décidera. Et la deuxième chose, c'est qu'on dit qu'il y aurait une majoration. Alors, quand Pujadas présente ça sur la télévision, il y a écrit « La loi prévoit une négociation pour une majoration ». Les gens qui ne sont pas au courant se disent « Bon, il y a une majoration ». Ben non, non, la loi ne prévoit rien. Elle prévoit qu'il faudra négocier et que le patron, s'il veut bien, fera ou pas une majoration. Et donc, il n'en fera pas. Donc, ça veut dire qu'il n'en fera pas. Bien sûr. Oui. Et comme les magasins qui ouvrent le dimanche ont des chiffres d'affaires plus bas que les autres jours, il serait bon de le dire. Parce que les gens ne vont pas se ruer comme ça pour aller faire leurs courses le dimanche. Vous savez, il y en aura un petit nombre, mais quand tout sera ouvert, les magasins seront vides. Bon. Et donc, ça coûtera plus cher d'ouvrir, d'avoir de l'électricité, du gardiennage, du transport, etc. Et donc, il ne sera pas question de majoration pour les salariés. Ensuite, qu'est-ce qui va s'y coller au boulot le dimanche ? Ben, c'est les femmes, pauvres, précaires, et les étudiants, désargentés. C'est-à-dire ceux qui sont déjà dans la précarité. Mais est-ce que ça va créer de l'emploi pour eux ? Bah bien sûr que non, parce que s'ils sont embauchés pour le samedi et le dimanche, ils ne seront pas pour le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc en vérité, il n'y aura pas plus d'emplois à créer. Ensuite, est-ce que ça vendra plus, comme ils nous disent, au point de vue économique ? Bien sûr que non, parce que ce qui sera acheté le dimanche ne le sera pas ni le lundi ni le mardi. Les porte-monnaies ne sont pas extensibles. Ensuite, est-ce que ça fera de l'emploi ? Je viens de dire que non, mais ça supprimera des emplois. Parce que même la CGPME, c'est-à-dire les petits commerçants qui peuvent être représentés, sont contre. Ils estiment que ça fera 300 000 emplois de moins sur le territoire dans les petits commerces, parce que ce seront les chaînes qui l'emporteront. Donc il n'y a que des inconvénients et aucun avantage à l'ouverture le dimanche. Et puis surtout, bah, ça casse le rythme social. Parce que moi, je suis pour qu'une société ait un rendez-vous en même temps. Qu'on puisse, à un moment donné, collectivement, je dis bien collectivement, se reposer, se rencontrer. Vous faites ce que vous voulez, en famille, du sport, des associations, de la culture, de la musique, ou de la religion, si vous voulez. Mais vous avez un moment, un temps, dans une société qui règle. Et pour ceux qui sont religieux, bien sûr, pour les autres qui aiment le foot, ils font du foot. Mais il faut un temps social commun. Et c'est ça qui est très important, parce que si il y a des gens qui disent « Ah, mais moi je veux prendre mon mercredi », ben non, il y a un temps social pour tout le monde. Voilà, et tu te débrouilleras si c'est ton mercredi, tu t'arrangeras d'une autre façon, mais il y a des règles collectives, un ordre public social. Et s'il y a une société qui n'a pas d'ordre public social qui permet aux gens de vivre de façon citoyenne en se rencontrant, ben c'est la mort de la vie citoyenne, de la vie tout court. Donc c'est un vandalisme que de faire travailler les gens le dimanche, c'est un vandalisme. Et alors c'est remplacé, comme disait l'autre, c'est de remplacer la civilisation du loisir par la civilisation du caddie. Enfin, le caddie surtout pour les plus pauvres, parce que le caddie pour les patrons, ça sera au golf, hein, ça sera pas à Auchan. Bon, mais vous avez remplacé quelque chose de décisif, qui est un temps de rencontre, de repos, un temps de vie sociale. Bon, puis après, il reste la question des enfants, elle n'est pas secondaire quand même. Ils ne bossent pas le dimanche, on va les faire bosser aussi, non. Donc il faudra les payer, les crèches, la garderie. Et on dit qu'il n'y a pas de lien social dans les quartiers, déjà, dans les familles et entre les gens, ben, il y en aura encore moins. Excuse-moi chérie, je vais bosser, c'est dimanche. Qu'est-ce qui se cache derrière cet engouement pour faire travailler les gens le dimanche ? C'est idéologique, c'est pas économique, c'est pour casser la semaine de 35 heures. Voilà. C'est pour casser le rythme social, c'est la même chose pour le travail dit en soirée, puisque maintenant Macron appelle ça en soirée, jusqu'à 23h59. Ah oui, justement, je voulais te poser la question, vas-y, en vrai. Eh ben écoute, c'est plus 21h ou 22h où commence la nuit, c'est à 23h59. Alors il paraît qu'il faut pouvoir vendre du parfum chez Sephora ou Marionneau sur les Champs-Élysées le soir à 22h. Il y a des Chinois embusqués qui sont là et qui veulent absolument qu'il y ait des femmes pauvres et précaires venues d'Aubervilliers, qui leur vendent du parfum. Et si ils sont pas là pour acheter du parfum, ils menacent Laurent Fabius d'aller l'acheter à Londres, ce qui serait catastrophique pour l'économie française. On nous prend à chaque fois pour des gogos de nous raconter des histoires pareilles. Parce que la femme pauvre d'Aubervilliers, elle va vendre deux fioles de parfum à 23h, et elle rentrera chez elle à 2h du matin pour ça. Bien sûr, pendant que son patron reviendra du théâtre. Mais la proposition est absurde. Mais il y a le BHV, par exemple, avait fait des nocturnes. Bon, il dit 19h, 20h. Bon, il y avait encore du monde. Il disait, on va pousser jusqu'à 21h. Mais il y avait le magasin, il était déjà à moitié vide. Quand vous voulez faire une nocturne jusqu'à 22h, la dernière heure était quasiment déficitaire entre les dépenses d'électricité et le nombre de chalands qu'il y avait dans le magasin. Donc en vérité, tout ça, c'est des bêtises. Vous finissez dans les films américains, vous les connaissez tous, là où il y a le gars dans la chaîne, derrière son comptoir avec son flingue sous le tiroir caisse, et puis qui regarde s'il y a 4 clients dans la nuit qui viennent, s'il n'y en a pas 2 qui sont des truands. Ça vous finit comme ça. Il n'y a pas besoin de faire travailler le commerce, nous, les jours. Il faut quand même savoir que c'est 4 millions de personnes dans le commerce. Et dans la majorité des cas, on est à 70 ou 80% de femmes chez les caissières. Donc en vérité, ça vise bien un public pauvre, un public précaire, un public qui n'a pas le sou. Et c'est celui-là qu'on va faire travailler, alors qu'il n'y en a pas besoin. Alors on va me dire, mais ça, justement, ça serait bien qu'il travaille. Oh, à mon œil, parce qu'il ne travaillera pas plus pour autant. Il travaillera des heures plus défavorables, pas plus. Il ne gagnera pas plus d'argent. Il travaillera plus mal, avec le même chose, c'est-à-dire un niveau de SMIC. Donc tout ça est une faribole, mais le fond, c'est de déstructurer les rythmes sociaux. Ils aiment bien ça, pour pouvoir tirer le maximum ensuite contre les 35 heures ou contre la régulation que le Code du travail prévoit. Alors, une autre fourberie que tu as débusquée, c'est le fait de pouvoir exposer impunément, si la loi Macron passe, bien sûr, hein, de pouvoir exposer impunément les jeunes de moins de 18 ans à des dangers mortels ou des dangers d'inhalation de produits toxiques. Oui, alors c'est ça, quoi cette histoire-là? Ça a commencé avec Villepin. Villepin a baissé l'apprentissage de 16 ans à 14 ans. Je suis contre. Mais il a aussi permis que les enfants de 15 ans, parce que j'ai bien les enfants de 15 ans, puissent travailler le dimanche et de nuit. Je suis contre également. Et donc, il y avait une protection. La protection était, dans le Code du travail, ce qu'on appelle a priori. C'est-à-dire qu'il fallait des dérogations a priori de l'inspection du travail. Il fallait des informations préalables sur l'utilisation ou pas de machines dangereuses ou de risques encourus. Et il fallait qu'il y ait ces vérifications-là pour que le môme puisse travailler. Et bien maintenant, ce ne sont plus des contrôles a priori, ce sont des contrôles a posteriori. Et une série d'interdictions qui existaient sont enlevées. La plus célèbre, c'est sur le travail sur les échelles, les escabeaux ou les marchepieds. Les patrons ne supportaient pas, paraît-il, qu'un jeune ne puisse pas monter sur une échelle. Et donc, ils ne l'embauchaient pas comme apprenti à cause de ça. Alors là, moi, je suis désolé, je veux pas qu'un môme monte sur une échelle. Voilà, c'est tout. Et je suis pour qu'on l'interdise l'accès à une machine dangereuse. Et je suis pour qu'il y ait un contrôle préalable s'il a à courir des risques et que l'inspecteur soit informé avant et qu'il y ait une autorisation avant. C'est pas de la paperasse, c'est une précaution, c'est une prévention et c'est décisif. Alors d'ailleurs, c'était le 15 novembre 2010 et à Mulhouse, ils ont mis un môme de 15 ans dans un pétrin de boulanger pour le nettoyer. Le pétrin s'est remis en route, le môme a été déchiqueté, bien sûr, il est mort. Et là, pour les échelles, c'était il y a 15 jours près de Rennes, il y a un môme, il est tombé, l'échelle était déjà en hauteur dans le bâtiment, il est tombé de l'échelle et il est tombé de 10 mètres après en cascade. Et il a été tué. Il avait 15 ans et demi. Eh bien moi, je dis les gens qui mettent des dans ces conditions au travail sont des assassins. Je n'accepte pas le travail des enfants. Je n'accepte pas qu'on recule les choses de ce type. Je n'accepte pas que les patrons disent « Ah ben sinon, je ne peux pas les embaucher. Va te faire voir, patron, si tu ne sais pas prendre en règle un môme. » Et puis par ailleurs, on me dit « Oui, mais il y a les mômes, ils veulent aller être bossés à 14 ans parce qu'à l'école, ils s'ennuient. » Eh ben on n'a qu'à rendre l'école intéressante pour eux. C'est pas une solution que de retourner progressivement au 19e siècle et de faire venir les mômes à 14 ans pour bosser dans des conditions où ils sont pas protégés. C'est un des aspects scandaleux. Ça a été, vous savez que c'est en vigueur depuis le 2 mai 2015. C'était un projet de décret présenté au Conseil d'orientation des conditions de travail le 2 février. Ils ont mis 3 mois. Et au bout de 3 mois, ils le promulguent quand même. Et après, ils vont adapter le Code du travail et la loi pour ça. C'est scandaleux que la gauche fasse ça. Je l'ai dit en temps utile et j'accuse ceux qui ont mis en place ceci de toucher à la protection du travail des enfants. Et je veux que les enfants, ils reviennent à l'école, qu'il n'y ait pas d'apprentissage à 14 ans. À 16 ans, on peut discuter dans des conditions strictes qui existaient auparavant et même plutôt en les renforçant qu'en les simplifiant ou en les dégradant. Alors, on accélère. Autre aspect de l'offensive dans la guerre contre les pauvres, il y a des changements importants que Macron veut faire intervenir dans les plans de sauvegarde de l'emploi. Alors, pour nos auditeurs, rapidement, qu'est-ce que c'est un plan de sauvegarde ? C'est difficile d'être rapide, c'est une question très compliquée, le licenciement. En France, heureusement, nous appliquons les droits de l'homme. Les déclarations universelles des droits de l'homme de 1948, la charte européenne des droits de l'homme de 1999 et la convention 158 de l'Organisation internationale du travail disent que quand il y a licenciement, 1, vous êtes informé, 2, il est motivé, 3, vous pouvez vous défendre, 4, il y a un recours. Eh bien, le but du patronat, c'est de supprimer peu à peu tout ça. Alors, vous savez, ils avaient commencé aussi avec Villepin quand il a fait le contrat nouvelle embauche. Pendant 2 ans, vous pouvez être licencié sans motif. Ensuite, ils ont essayé avec le CPE, contrat première embauche. Ils ont échoué, mais c'était déjà le but. Ensuite, ils ont fait ce qu'on appelle les ruptures conventionnelles. C'est-à-dire qu'on signe de gré à gré. Ce qui est déjà scandaleux, puisqu'en fait, les deux parties ne sont pas égales dans la signature. Et donc, il y a une rupture de contrat sans motif. Et donc, en vérité, vous avez 1 million de ruptures conventionnelles chaque année. C'est l'équivalent du plus grand plan social de ce pays, où on rompt des contrats sans motif alors qu'on a 6 millions de chômeurs. Puis après, la personne, elle va au Pôle emploi, on lui propose un boulot, et c'est elle qui doit donner un motif pour le refuser. C'est quand même aussi le monde à l'envers. Moi, je suis pour que les licenciements soient motivés et qu'ils soient contrôlés. Et donc là, Macron, après l'ANI qui avait déjà commencé, bascule lentement vers la marche au licenciement sans motif. Si vous voulez comprendre tout ça, il y a un film avec George Clooney, Hans Zier, il s'appelle, c'est un film américain, où le gars est Hans Zier, c'est parce qu'il est tout le temps dans l'avion, puis quand il descend, il licencie. Et de ville en ville. Et quand le licenciement dure 2 minutes, on convoque la personne, on lui dit dehors, elle prend un carton avec ses dernières affaires, on lui met 2 gardes du corps pour qu'il parle pas à ses collègues, et il est dehors et la procédure est finie. Il n'y a rien d'autre comme procédure. Et donc ça, c'est le but rêvé. D'ailleurs, l'UMP a essayé de mettre ça au vote à l'abri de la loi Macron il y a maintenant 2 mois au Parlement. Et donc le but rêvé, c'est d'essayer d'atteindre ça. Alors comment ils font? D'abord, ils dégonflent en fait tout le droit du licenciement. Quand il y avait des critères pour licencier, il y avait 4 critères. Hein. C'était la situation sociale de la personne, la ancienneté, la qualification et le poste. Bon, ils ont fait sauter les critères. Bon, ils les avaient remis en cause sous l'ANI, Macron les fait sauter. 2, quand il y avait des petits paquets de licenciements jusqu'à 9, en vérité, il fallait quand même que le patron consulte les délégués du personnel et le comité d'entreprise. Pouf, ça c'est sauté, il n'a plus besoin de les consulter. 3, quand il y avait un licenciement dans un établissement, on disait que le groupe était responsable. C'est-à-dire qu'il fallait quand même qu'il voit au niveau du groupe comment se faisait le financement éventuel, le reclassement éventuel, et donc on pouvait interpeller le groupe, c'est très important, parce que 80% des PME en France sont dans des groupes, hein, et donc c'était très important, cela. Bah ça c'est fini, on en reste maintenant au niveau de l'établissement de base, et le groupe n'a plus le même type de responsabilité, on ne peut plus le mettre en cause de la même façon. Et 4, c'est encore plus sérieux, c'est-à-dire que avant l'ANI, c'était les tribunaux sociaux, les chambres sociales, qui étaient saisies des plans sociaux, des PSE. Et le patronat avait marre. Parce que les juges, paradoxalement, souvent, rallongeaient les délais. Vous connaissez Fralib, qui a pendant 8 mois s'est battu pour contre le plan social. Et au bout de 8 mois, le juge a dit, bah non, la procédure a été mauvaise, vous recommencez tout. Alors la patronne, furieux, ça a été pareil à Philpa, à Pilpa, vous savez PSA, vous savez Goodyear, vous savez Mittal, on peut citer Sanofi, des dizaines d'endroits où les plans sociaux ont duré parce que les juges des chambres sociales disaient c'est pas assez prêt, vous avez pas fait assez d'efforts, etc. Donc le MEDEF a demandé à des gens comme Macron, débarrassez-nous des juges sociaux. Alors Sapin a fait un premier effort puisque il a dit maintenant c'est les directs. Alors, direct, c'est plus les anciens directeurs du Parc. Alors, oui, tiens, je voudrais que t'expliques aux auditeurs, parce que ce sigle-là, direct, ça s'écrit D-I-R-E-2-C-T-E. Oui. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Avant, il y avait les directions du travail départementales et régionales. Déjà bien, direction du travail. Maintenant, les directs, ce sont les directions des entreprises. La différence est très importante. Avant, c'était des anciens inspecteurs du travail qui étaient nommés directeurs du travail. Maintenant, c'est des sortes de sous-préfets qui sont nommés par le haut sans avoir crapahuté dans les entreprises. Donc, la vision du monde est déjà totalement différente entre une direction des entreprises et une direction du travail. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la séparation entre ministère de l'économie et ministère du travail, puisqu'en fait, la philosophie de tout ça, c'est quoi? C'est que pendant 1 siècle et demi, on a essayé d'adapter le travail aux humains, et que maintenant, on essaie d'adapter les humains au travail. Donc, vous avez le fond de la philosophie derrière ça. Et donc, les directs sont en main, maintenant, c'est eux qui homologuent les plans sociaux. Alors, homologuer, hein, les homonymes sont pas difficiles, c'est entériner, approuver, c'est oui. Et l'ordre a été donné par Michel Sapin en juillet 2014, 2013, une fois que la loi a été passée, d'accepter de 0 refus d'homologation des plans sociaux. C'est-à-dire, il disait d'un côté, on veut inverser la courbe du chômage, et l'autre côté, donner comme ordre aux 100 directs de France et d'outre-mer, accepter tous les plans sociaux. Et donc, ils sont mis à les accepter tous. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce cas-là, les recours ne vont plus aux chambres sociales. Donc, ils vont au tribunal administratif, puisque c'est une décision administrative. Et alors, l'idée qu'on avait au début, c'est que les tribunaux administratifs, qui avaient moins de moyens, qui étaient moins préparés à gérer du droit du travail, qui étaient du domaine du droit public, et qui, finalement, avaleraient les décisions. Et malheureusement pour le patronat, surprise, pour moi aussi d'ailleurs, les TA, comme on dit, les tribunaux administratifs, se sont mis à invalider les plans sociaux à leur tour. Alors là, le patronat a dit, ça suffit, on s'est débarrassé des juges des chambres sociales, et maintenant on a les juges administratifs qui font la même chose. Donc Macron règle le problème, article 103 de son projet de loi, il dit que quand un plan social est retoqué par le tribunal administratif, je cite, « cela n'a aucune incidence pour les salariés concernés qui ne sont ni réintégrés ni indemnisés ». Ils ont raison, ils ont gagné, le plan était mauvais, il n'était pas légal, mais ça n'a aucune conséquence. Ils sont quand même virés. Ce qui fait qu'il arrive quand même, à quelque part, à ce licenciement sans motif, quelque part, puisque, in fine, on ne peut pas avoir raison contre le patron qui a décidé et le direct qui a approuvé. Mais il y a quelques semaines, on a fait une émission avec des juges de prud'hommes qui nous ont fait remarquer que en 1804, je crois, je ne suis pas sûr, Napoléon avait créé les prud'hommes pour les ouvriers de la soie, pour les canuts, parce que les patrons en avaient marre que les juges d'instance, les juges civils, donnaient toujours raison aux ouvriers contre les patrons. Donc, tu vois, rien n'a changé là. Ah, si, il y a beaucoup de choses quand même. Vas-y, dis-moi un d'abord truc. D'abord, parce qu'à l'époque, on était encore dans la suite des décrets d'Allard, comme on dit, et la loi Le Chapelier. Alors, les décrets d'Allard, c'était comme l'article 2064 de Macron, c'était les contrats de droit civil où les deux parties étaient réputées égales et justement n'avaient pas le droit de s'organiser, loi Le Chapelier, pour défendre leur contrat contre l'autre partie. C'était l'idée de libéralisme absolu qu'il y avait au début de la Révolution française. Mmh. Et donc, il a fallu presque un siècle pour se sortir de la loi Le Chapelier, puisque c'est seulement quand, en 1856, à peu près, on supprime le livret ouvrier, et puis qu'on supprime la loi Le Chapelier, qu'on va donner accès ouvrir la porte aux syndicats qui vont arriver avec la loi Valdecrousseau, et là on est en 1884. Il faut un siècle entier pour se débarrasser de ce qui préside à l'époque à l'esprit dans les entreprises de soumission librement consentie des ouvriers, et c'est après qu'on arrive à une définition dont on a parlé au début, de la subordination avec des contreparties code du travail. Et la construction arrive et commence pendant, je le répète, de 1892 à 1910 où naît le code, et de 1910 à nos jours jusqu'au catastrophique Macron, est une construction de droit pour la personne salariée qui est dignement, normalement, protégée et défendue dans son emploi subordonné. Bon, je résume un siècle. Oui, je vois que tu résumes un maximum. L'heure tourne. Alors, la dernière cerise, une des dernières cerises sur le gâteau pour toutes ces petites peccadilles qui restreignent le droit des salariés et agrandissent énormément celui des patrons, c'est le sort qui est réservé à certains handicapés dans la loi Macron. Oui, bah c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait des obligations des entreprises de prise en charge des handicapés et de les embaucher. Et sinon, de payer une taxe. Bah, maintenant, cette taxe va baisser, et puis des médiations sont permises pour que soit ils subventionnent les entreprises d'insertion, soit ils prennent des auto-entrepreneurs. Enfin, les droits d'obligation pour faire travailler des handicapés sont baissés dans la loi Macron. Mais il n'y a pas que ça. C'est une loi qui prévoit que non seulement les prud'hommes vont être asséchés, au sens strict du terme, on le verra tout à l'heure, mais toute une série des droits qui concernent les catégories particulières de salariés diminuent. Donc, on en arrive à la question, disons à la partie la plus dangereuse, celle qui doit nous angoisser le plus sur ce projet de loi Macron, à savoir les remises en question de toutes les barrières qui ont été auparavant érigées pour protéger le salarié contre les exactions patronales. D'abord, la suppression du droit pénal du travail, quasiment. C'est-à-dire qu'il y avait un droit pénal spécifique quand l'employeur faisait ce qu'on appelle des fautes inexcusables, ou quand il s'asseyait sur le droit des comités d'entreprise. Il y avait encore des peines de prison, elles n'étaient pas appliquées, je regrette, mais elles étaient avec sursis. Mais maintenant, elles sont supprimées en tant que peines de prison. C'est-à-dire que si on prend l'affaire de Molex, il y avait deux actionnaires américains, ils avaient violé le comité d'entreprise. Bon, les syndicats sont allés à Toulouse au tribunal, les deux actionnaires ont été condamnés avec 6 mois de prison avec sursis. Mais maintenant, ça a été explicitement abrogé pour plaire aux employeurs étrangers, de façon à ce qu'ils n'aient rien à craindre quand ils arrivent en France. Alors, Rebsamen, le nouveau ministre du Travail, s'est penché sur l'amende qui pouvait remplacer la peine de prison, mais elle était 3 750 €. Alors, il a dit, on la double. Alors, elle est 7 000 €. Mais vous imaginez ce que c'est, un actionnaire américain qui s'empoche 2 millions d'euros de primes parce qu'il supprime 800 000 emplois et qu'il fait gagner 2 milliards à sa boîte. Il n'en a rien à foutre des 7 000 € d'amende. Déjà que la peine de prison ne le touchait pas puisqu'elle était avec sursis, elle pouvait l'inquiéter, mais elle ne le touchait pas. Et ben maintenant, c'est fini. Le droit pénal du travail est en train d'être abrogé et remplacé par un droit administratif, c'est-à-dire un plaidé coupable négocié avec le direct, où on discute d'amendes administratives, de leur niveau et de leurs conditions d'application. C'est-à-dire que là aussi, c'est écarter le juge de la sanction quand le patron est délinquant. Il y a un automatisme de la prétendue peine. C'est vrai, c'est vers ça que ça s'oriente, évidemment. On a oublié tout à l'heure de parler des attaques en catimini contre la médecine du travail. Parce que c'est pas en catimini, elle est quasiment morte. Parce que, d'abord, il y a des prédécesseurs. Hein. Oui, je sais bien. Oui, j'allais le dire d'ailleurs, parce que sur 6000 médecins du travail, il y en a déjà 2000 qui sont des postes qui ne sont pas occupés, parce qu'il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'intérêt à les dévaloriser de facto avant même qu'elles soient supprimées. Et puis là, c'est des visites, elles étaient tous les deux ans au lieu de tous les ans, maintenant elles sont tous les quatre ans. Alors à quoi ça sert une médecine de prévention que vous voyez le médecin tous les 4 ans ça. Alors il dit, en plus, quand vous n'avez pas de médecin du travail, vous irez voir votre généraliste. Bon là, c'est la mort définitive, parce que la médecine du travail, c'est une spécialité. C'est-à-dire que c'est comme pneumologue ou pédiatre, il faut que le médecin connaisse l'entreprise, qu'il l'ait visitée, qu'il sache les risques, les atmosphères, les produits dangereux, etc. Et même dans quelles conditions la personne travaille, parce que c'est ça la médecine du travail. Puis ensuite, elle est préventive, donc elle doit être régulière, et les visites ne doivent pas être espacées. On doit donner plus de moyens, c'était comme la médecine scolaire, c'est deux très belles médecines qui, au lieu de coûter, préviennent et font diminuer le coût des maladies. Oui, c'est une démarche de santé publique. Bien sûr. On tourne le problème en disant que comme il y a peu de gens qui se présentent à la visite médicale du travail, c'est une bonne raison pour la supprimer. Voilà, c'est un argument qu'on emploie à toutes les sauces. C'est ça. Il y a des gens qui disent ça servait à rien, mais c'est pas vrai. Ça servait à quelque chose si c'était une médecine sérieuse à laquelle on donne des moyens avec des instruments de contrôle et de visite qui soient adéquats. Bon, on la laisse dépérir, puis après on dit ça sert plus à rien. Voilà, c'est ça. Mais je crois aussi que ça remet en question la notion d'inaptitude professionnelle. Oui, bien sûr. C'est après les questions de santé vont tout en découler par rapport au droit, par rapport au licenciement. Dans quelles conditions vous êtes licencié? Quelle est la réparation de l'accident du travail, quelle est la réparation de la maladie professionnelle. En France, c'est peut-être par rapport aux autres pays européens, le pays où les maladies professionnelles sont les moins identifiées, les moins reconnues et les moins réparées au sens matériel du terme. Oui, on se rappelle de l'histoire de l'amiante. Absolument, et puis après, vous avez la suppression en route des CHSCT, c'est-à-dire des comités hygiène, sécurité et conditions de travail, qui vont être intégrés pour les entreprises de 50 à 300 salariés dans ce qu'on appelle les DUP. Alors on dit, mais non, ils resteront, mais à l'intérieur des DUP. Mais justement, historiquement, ils avaient été séparés, parce que dans les réunions d'autres instances, il n'y avait jamais le temps pour parler des questions de sécurité. C'était toujours le dernier point à l'ordre du jour, et quand il n'y avait plus personne dans la salle, ça va recommencer comme avant. Et donc, dès que vous réintégrez les questions d'hygiène, sécurité et conditions de travail, elles arriveront en dernier point des comités entreprise, et il n'y aura plus personne pour pouvoir s'en occuper. C'est un recul fantastique. Les CHSCT, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et pourtant, il y en avait peu, parce qu'il n'y avait que 22 000 CHSCT sur 1 200 000 entreprises. Le patronat s'opposait toujours. Mais sur tous les CHSCT, il y avait des observateurs extérieurs. Il y avait le médecin du travail, il y avait l'inspecteur du travail. Et il y avait le représentant des caisses régionales d'assurance maladie qui y assistait. Ce qui donnait un œil contraignant sur le patron. C'était souvent, moi j'ai participé pendant 30 ans de ma vie au CHSCT. Et c'était sûrement l'instance où c'était le plus intéressant de discuter pour voir les rapports de force réelles dans les entreprises et les vrais problèmes qui y étaient posés. Alors, la loi Macron s'attaque à ce qui lui fait sans doute le plus peur, c'est-à-dire à ce qui défend véritablement les salariés. J'ai nommé l'inspecteur du travail, d'une part, et les conseils de prud'homme, d'autre part. Et les deux vont de pair, c'est contre le droit pénal du travail. Alors pour l'inspection du travail, ce qui s'attaque, c'est le principe même de l'indépendance de l'inspecteur. Parce que moi, quand je suis arrivé dans les services comme inspecteur du travail, j'en ai fait 30 ans, et tout corps plongé dans les entreprises reçoit une poussée égale au volume d'exploitation constaté. Et donc, j'ai dû visiter 9 ou 10 000 entreprises en 30 ans, ça me donne une certaine connaissance de la chose. Eh bien, quand l'inspecteur arrivait, moi, j'étais jeune inspecteur, ma directrice du travail m'avait dit « Monsieur Filoche, vous êtes indépendant, c'est vous qui assumez vos contrôles, c'est vous qui décidait de ce que vous donnez comme suite. C'est vous qui faites des observations, des mises en demeure ou qui faites des procès-verbaux. C'est vous qui assumez ensuite. Je veux pas que le patron m'appelle quand c'est fini. Parce que c'est vous qui, et vous seul qui êtes en situation. Et j'avais compris ce que ça voulait dire à ce moment-là. C'est que si j'allais devant un patron, puis que c'était pas moi qui décidais, et que c'était mon directeur, il se foutait de ma visite. Et donc, l'indépendance affirmait en même temps l'autorité de l'inspecteur dans le contrôle. Et ben, maintenant, c'est justement ce qui a changé. C'est que ça va remonter à la hiérarchie, et au direct, et aux directeurs de secteur qui vont mettre. L'inspecteur va devenir un pion, d'ailleurs amovible du point de vue géographique. Et ensuite, la suite de ces contrôle, n'allant plus devant des juges et ne relevant plus de l'état de droit et des décisions de la République, va être en laisser plaider coupable avec le direct et le patron. Donc c'est un changement complet de la capacité d'action de l'inspection du travail. Tu insistes beaucoup dans ce que j'ai lu et regardé comme vidéo, parce que tu as fait pas mal de vidéos, qui d'ailleurs disparaissent très rapidement, je ne sais pas pourquoi. Ce qui a attiré beaucoup mon attention, c'est que tu parles des peines pour entrave. Alors, est-ce que tu veux bien expliquer aux auditeurs ce que c'est qu'une peine, ce que c'est qu'une entrave déjà? Mais une entrave, c'est quand vous empêchez le comité d'entreprise de fonctionner, quand vous ne l'informez pas, quand vous prenez des décisions qui sont de sa compétence sans l'avoir consulté, c'est une entrave au fonctionnement. Donc, c'est là qu'il y avait des peines de prison, mais j'en ai parlé précédemment. Oui. Elles sont abolies. Et la deuxième chose, c'est quand vous avez un obstacle à l'inspection du travail, quiconque fait obstacle à l'inspecteur du travail risque de 2 mois à 2 ans de prison et de 20 000 à 200 000 euros d'amende. Bon, voilà, mais si ça devient théorique, c'est plus le juge, mais qu'il peut y avoir une négociation avec le direct va recevoir le patron, hein, va lui dire, c'est d'arriver, hein. Une de mes collègues inspectrices s'est fait insulter, comme ça nous arrive 80 ou 100 fois par an. Comme c'était une femme, en plus, le patron lui a dit gestapiste d'un côté, puis l'autre côté retourna à ta cuisine. Bon, et donc elle a fait un procès verbal, et le direct a convoqué le patron et ma collègue. Puis il a dit au patron, écoutez monsieur, vous n'êtes pas bien comporté. Je vous propose une amende administrative, vous allez payer 1 000 euros, puis vous donnerez 1 000 euros à madame pour le préjudice qu'elle a subi, et puis on en arrête là. Et ma collègue s'est indignée, elle dit, moi je n'ai pas fait ça pour avoir 1 000 euros, j'ai fait ça pour qu'il soit condamné, qu'il passe devant la justice avec les autres délinquants, et que il soit, ça soit dans le casier judiciaire, et que ce soit affiché sur la porte de son entreprise. Je veux pas de conciliation à l'amiable de ce type. Ben c'est comme ça que ça se fait ou ça se fait pas. Parce que ça sera pareil pour le travail clandestin, ça sera pareil pour toutes les autres mesures de droit pénal, et elles sautent, comme je l'ai dit précédemment. Bien, Gérard Filoche, le gros morceau, les prud'hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Les prud'hommes, ils vont les supprimer à terme. Alors d'abord, Madame Parizeau, explique un peu aux auditeurs ce que ça avait de beau. Les prud'hommes, c'est une justice du travail, et donc il y a un peu de poésie. Il y a un peu de poésie, oui. Il y a 2 salariés et puis il y a 2 représentants patronaux, et puis on peut s'exprimer par oral, gratuitement, son affaire pour ceux qui savent pas s'exprimer, sans avocat, directement devant le tribunal qui juge et qui donne qui donne satisfaction aux salariés ou aux patrons. Mais dans 80% des cas, les jugements étaient de qualité puisqu'ils n'étaient jamais remis en cause en appel. Et d'autre part, souvent, ça permettait aux salariés d'avoir des réparations quand ils avaient été lésés toute leur vie. Quand tu dis qu'ils n'étaient jamais remis en cause en appel, tu veux dire, parce qu'il y a presque toujours appel, qu'ils n'étaient pas contredits par l'appel. Oui, on s'entend bien. Tu as raison de me le dire. C'est-à-dire que en appel, c'était confirmé. Donc en vérité, voilà. Et l'accès au prud'homme était rendu un petit peu difficile. C'est vrai qu'il y avait une commission de conciliation, puis qu'il y avait beaucoup de délais, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour les prud'hommes. Parce que Rachida Dati en a supprimé un tiers. Donc c'est ça une vieille technique, ça. Bien sûr. Pour dire qu'un fonctionnement, qu'une administration ou qu'une organisation ne fonctionne pas, on supprime les gens qui la font vivre, et comme ça, après, on dit les délais sont trop longs. Après, les délais sont trop longs, et au nom des délais sont trop longs, on va passer à des commissions participatives arbitrales qui vont éviter d'accéder au juge. Et on va mettre entre un conseiller salarié et un conseiller patronal, et on va mettre un juge départiteur, c'est-à-dire un juge professionnel, selon un système qu'en jargon on appelle l'échevinage, mais qui va rendre du coup encore plus difficile et plus rare l'accès à ce jugement prud'homal. Et avant, les commissions participatives vont en fait désengorger les prud'hommes, mais ce seront des commissions arbitrales dans lesquelles là il n'y aura plus la justice. Et il n'y aura plus forcément les condamnations. Et ça sera les barèmes qui s'appliqueront. Et si c'est les barèmes, le patron voyou qui fait une opération boursière, il se trouvera plus sanctionné comme avant, il paiera le minimum. Il est même maintenant expliqué qu'il faut que quand les patrons licencient, ils sachent combien ça leur coûte à l'avance. Donc en fait, ils ne courent plus de risques. C'est marrant parce qu'on dit que les patrons sont risque-off-files. Ça j'aime bien, vas-y. Lâche-toi là-dessus, Gérard. Ils sont risque-off-files, ils prennent des risques, etc. En fait, c'est pas vrai. Ils demandent que les aides de l'État, et c'est eux qui vont être couverts. D'ailleurs, la loi Macron, petit détail, prévoit que quand un patron dépose son bilan, maintenant sa résidence principale sera protégée. Alors, elle ne sera plus sur la table pour solder les comptes. Et donc, je dis bien, la maison du patron, pas la maison du salarié licencié. Bien sûr. Lui, s'il a commencé à la payer, il pourra la revendre. Donc, de façon générale, en fait, la libéralisation consiste à donner toutes les garanties au patron pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, et à enlever toutes les garanties qui étaient protectrices avant aux salariés. Mais il faut les comprendre. Laurence Parizeau ne disait-elle pas elle-même que ce sont des tribunaux qui insécurisent l'employeur? Il y a un retournement de la réalité. C'est ça. Hein, Laurence Parizeau, elle est géniale. Elle dit le code du travail, la liberté de penser s'arrête là où commence le code du travail. Ouais, elle fait aussi une comparaison avec l'amour, je crois. Oui. La vie, la santé, l'amour sont précaires. Pourquoi le travail ne le serait-il pas? Ouais. Donc les tribunaux prud'hommes, ça insécurise les employeurs. Elle, sur le licenciement, elle dit, c'est comme la séparabilité. C'est comme un divorce. Sauf que c'est toujours le même qui garde les meubles. Hein, oui, et puis il n'y a pas d'égal à IA, là. Les traitements, alors on disait que les traitements des dossiers étaient trop longs. On en est à combien, là, actuellement ? Voilà, bah, y a 200 000 dossiers par an, et évidemment ça traîne de plus en plus, parce que justement les effectifs sont insuffisants, aussi bien au niveau des greffiers qu'au niveau des conseillers prud'hommes, qu'au niveau des tribunaux prud'hommes, et d'autre part, comme les patrons font blocage à chaque fois, même quand des décisions s'imposent de façon évidente, ils bloquent et ils essaient de faire appel, donc ça démultiplie et paralyse l'institution, ça c'est vrai, mais c'est pas en supprimant l'institution qu'on va résoudre le mal, parce que si vous dites les tribunaux, les prud'hommes insécurisent les employeurs, c'est comme si vous disiez les tribunaux insécurisent les délinquants. Ben oui, Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne orientation. En tout cas, c'est contraire au bon sens. L'objectif visé, d'après toi, c'est que de plus en plus, les salariés rechignent ou n'osent plus se servir des moyens que leur offraient les conseils de prud'hommes. Non, je ne crois pas que c'est vrai. Ça a toujours été vrai qu'ils ne s'en servaient pas suffisamment. Au lieu de dire les salariés abusent des prud'hommes, ceux qui vont aux prud'hommes sont rarissimes. Ah oui. Sont rarissimes. Et que c'est plutôt 90% des salariés qui seraient fondés à y aller et qui n'y vont pas. Et donc l'image inverse de dire il y a un risque pour le patron vis-à-vis des prud'hommes, c'est faux. Et je suis désolé, mais il y a des centaines de milliers de ruptures de contrat de façon abusive, sans cause réelle et sérieuse, ou pour des raisons boursières, c'est-à-dire pour des raisons de fric contre les humains. Et s'il n'y a plus de contrôle sur les licenciements par des tribunaux adaptés, alors les patrons feront encore plus ce qu'ils veulent qu'avant. Puisqu'on pourra te virer sans motif, dehors, et j'ai pas à te dire pourquoi. Dehors, et j'ai pas à m'expliquer. Dehors, et t'auras pas de recours. Dehors, et il n'y aura plus de tribunaux pour toi. Alors, pour en revenir à ce que tu as évoqué un petit peu tout à l'heure, Gérard Filoche, le rôle des juges départiteurs semble être avoir le vent en poupe. Qu'est-ce que ça signifie dans la réalité ? Ça signifie qu'il y a peu de juges, et donc c'est les juges professionnels. Donc, pour avoir un juge départiteur et prendre une décision, ce sera encore plus difficile. Voilà, ça raréfie l'accès aux tribunaux. Ça complique et la procédure, ça veut dire qu'il va falloir fournir des textes écrits, avoir un avocat, la personne qui ne sait pas se défendre ne saura plus le faire toute seule. Elle ne pourra plus seulement s'exprimer avec ses mots à elle, comme c'était à l'origine du prud'homme, parce que c'était pour les gens qui ont pour l'habitude. Vous savez, moi, quand j'étais inspecteur du travail, j'ai m'arrivé d'expliquer dans mes permanences aux salariés qui venaient me voir en me disant oh, « là, c'est pas de ma compétence, ça c'est celle des prud'hommes ». Et je regardais le blanc dans les yeux des salariés en face de moi qui ne savaient déjà pas ce qu'étaient les prud'hommes. Donc c'était des tribunaux faits pour les gens qui ne savent pas. Et donc, si vous mettez des juges professionnels avec des procédures compliquées, des nécessités de justifier les jugements, etc., vous les faites devenir des tribunaux comme les autres. Donc, vous les rendez plus inaccessibles. Quand vous les rendez plus inaccessibles, vous envoyez à des commissions d'arbitrage qui vont des affaires de charlatans où le patron aura la parole décisive. Oui, dans le cadre de rendre plus inaccessible de demander justice, il y a aussi le fait que lorsqu'ils font appel, si j'ai bien compris, lorsqu'ils font appel, les salariés devront faire prendre un avocat. Oui, c'est bon. Ça veut dire les conditions pas de sous dans lesquelles l'appel se fait. Sinon pas de pain, c'est qu'ils mangent de la brioche. Bien sûr, puisque les conditions dans lesquelles l'appel se fait, puisqu'il faut déposer des conclusions écrites, puisqu'il faut justifier les demandes d'indemnité, elles peuvent plus être appréciées seulement par le juge. Alors à partir de ce moment-là, vous avez compliqué la procédure et puis le salarié lui-même il perd, bien sûr. C'est le patron et ses avocats et les avocats d'entreprise que par ailleurs Macron prévoit de créer. C'est les avocats d'entreprise qui vont l'emporter dans toutes les procédures. Et les conseillers salariés que Macron envisage aussi seront moins nombreux, auront moins d'heures de délégation et ne pourront pas faire le poids face aux avocats d'entreprise. Oui, parce qu'avant, ils pouvaient faire aussi appel à quelqu'un du syndicat. Oui, oui, oui. Mais ça c'est conforté, si j'ose dire. Mais pas suffisamment en termes de moyens, d'heures de délégation, et pas suffisamment pour faire face aux avocats d'entreprise qui sont créés. D'accord. Alors, est-ce que tu peux, pour les auditeurs de Radio Libertaire, Gérard Filoche, résumer en quelques mots, en quoi tout cela n'a qu'un but, faciliter les licenciements abusifs. Je l'ai fait déjà sur les licenciements. Oui, mais les trois grandes idées forces. Mais non, d'abord, c'est une. La loi Macron, c'est la dérégulation. Donc, quand on dérégularise, en général, on augmente le chômage. On augmente la précarité. Et chaque fois qu'on facilite les licenciements, le chômage augmente. Il n'y a pas d'exemple contraire. C'est la règle, c'est la loi. C'est l'ordre public social qui crée l'emploi. Parce que ça contraint un patron à respecter des règles, à calculer les heures supplémentaires. On sait qu'à partir de 35 heures, il y a des heures supplémentaires. On sait qu'à partir de 48 heures, c'est interdit. Donc on peut pas faire travailler les gens n'importe comment. Donc on doit en embaucher d'autres. C'est la loi qui contraint, qui encadre et qui permet l'emploi. Tandis que Macron fait sauter ses règles et ses lois. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que le droit du travail dans Macron. Il y a tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a les partis qui touchent pas forcément le droit du travail. Il y a l'épargne salariale. Bon, l'épargne salariale, c'est un truc... Qu'est-ce l'épargne salariale. C'est quand un patron vous paye avec un élastique. Il vous donne de l'argent, mais ça revient dans sa poche. Je te donne de l'argent, mais c'est à moi, je la gère. Non, t'inquiète pas, c'est ton épargne, mais c'est moi qui m'en occupe. Et donc, en vérité, c'est une façon de ne pas payer le salaire avec des cotisations sociales dessus. Il y a la possibilité de distribuer des actions gratuites. C'est pour les petites boîtes, un paiement, à la cloche de bois. C'est-à-dire, on vous donne du papier, puis après, le patron, il s'en va avec l'argent qui est fait, et il ferme la fameuse start-up. Bon, ensuite, vous avez des trucs étranges dans toute cette loi. Vous avez la possibilité pour les hôpitaux publics d'investir dans les hôpitaux privés à l'étranger, au Maroc, en Tunisie, etc. Nos hôpitaux n'ont déjà pas de sous, vous les voyez investir dans les hôpitaux privés ailleurs. Vous avez la marchandisation du don du sang. C'est-à-dire que vous avez en France un office du sang jusqu'à présent, et c'est public, et puis on fait des campagnes pour que les citoyens viennent donner leur sang, on met des bus à la porte des entreprises, tout ça c'est fini, on va vous payer pour donner votre sang. Et j'aimerais vous dire que je suis contre ce principe-là. Alors j'ai un souvenir de jeune, quand j'avais 18-19 ans, en autostop, je suis normand moi, à Athènes en Grèce, et à l'époque ils payaient le sang. Alors comme j'avais pas de sous, j'allais donner mon sang pour avoir une semaine de vacances en plus, vous comprenez, ça me faisait des jours en plus, j'avais plus un flèche. Mais ça, c'était pas grave pour moi, c'était pas un problème. Mais j'étais dans des queues dont je me souviens très bien. Parce que j'étais au milieu de 100, 150 personnes qui étaient tous des pauvres et qui, eux, n'étaient pas en vacances et n'avaient pas le choix. Et qui allaient donner du sang pour avoir des sous. Je suis contre ce principe d'acheter le sang des gens. Et en plus, je suis contre la privatisation que ça inclut. Vous connaissez l'histoire du sang pour les GIs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une émission à FR3 récemment. Vous aviez donc, puisque c'était privé, du sang pour les blancs et du sang pour les noirs. Et il ne fallait pas qu'il y ait une goutte de sang noir dans le sang blanc. Bon, vous avez entendu la propagande de la blondasse, là, qui disait que il ne fallait pas de sang des homosexuels. Donc si vous avez une privatisation du sang, que ça n'est plus un service public, vous entrez dans un monde qui est tout à fait dangereux. Bon, il n'y a pas que ça dans Macron. Alors, vous avez la fermeture des lignes de train et TER pour les autocars. Bon, moi, je suis contre. Les autocars, ça pue, ça tue, ça pollue. Je suis contre que mes mômes, ils aient une colonie de vacances en autocar. Je suis plus tranquille quand ils passent pas par Beaune et qu'ils ont un TER pour arriver dans les Alpes ou ailleurs. Je suis pour multiplier les petites lignes de chemin de fer et les dessertes, et pas pour les remplacer par des autocars. Je crois que c'était ça, le progrès. Avec Macron, on retourne en arrière. Vous avez la privatisation des aéroports. Parce qu'il a vendu Blagnac au fonds de pension chinois. Comme ça, d'ailleurs, les Chinois pourront acheter du parfum au lieu de l'acheter sur les Champs-Élysées, en duty-free dans les aéroports, et notamment celui dont leurs fonds de pension contrôleront. Mais il va vendre maintenant l'aéroport de Nice et l'aéroport de Lyon au Qatar. Donc, vous avez les privatisations, la privatisation de l'armement. Je ne suis pas quelqu'un à défendre l'industrie d'armement, mais je voudrais savoir pourquoi, d'un seul coup, on décide de la privatiser, et ça va concerner des dizaines et des dizaines de milliers de travailleurs dont on ne sait pas quel sera leur devenir. Vous avez dans la loi Macron le fait que les postiers vont s'occuper de faire passer les permis de conduire. Pourquoi qu'ils ne s'occupent pas des crèches pendant qu'on y est? Ils pourraient le faire. Alors vous avez des trucs contre les notaires. Les gens m'ont dit, tu vas pas défendre les notaires. Mais je défends pas les notaires. Je sais que c'est une anomalie qui remonte à avant la Révolution française. Mais le problème, c'est que si on devait toucher au métier des notaires, des avoués, des huissiers, c'est pour en faire des agents de la fonction publique. C'est-à-dire qu'ils devraient avoir leur siège dans les préfectures à côté de l'état civil, et dans le cas des mairies, et dans le cas des départements. Là, c'est pas ça. Il va remplacer ça par les firmes juridiques anglo-saxonnes. Regardez le film qu'ils appellent la firme. Ou regardez l'affaire Pélican, vous devez avoir ça en mémoire, et vous verrez ce que c'est que les monstres juridiques anglo-saxons qui vont s'occuper maintenant de nos successions, des ventes de maisons et tout ça, et comment ils vont se faire des milliards sur le dos, et ça coûtera bien plus cher que les notaires actuels, dont on a par ailleurs forcément raison de se plaindre. Quand vous finissez de... Oui, mais c'est 20 points comme ça. Il faut regarder tout ce qui détruit notre culture, tout ce qui détruit... Je n'ai peut-être pas le temps de les aborder tous, je sens. Ah, écoute, encore un. Qui te semble particulièrement dégueulasse? Moi, il me semble dégueulasse de faire une ligne Paris-Est à Roissy. Non pas que je sois contre, mais il y a une ligne directe pour aller de la gare de l'Est à Roissy, c'est la ligne Macron. Parce qu'il met les jeunes dans les autocars, mais pour aller prendre son avion à Roissy, il pense que là, on ne va pas assez vite. C'est le fait du prince. Alors moi, l'autre jour, je soutenais dans une campagne électorale à Mitry-Maurice, c'est au nord de Seine-et-Marne, en dessous de Roissy, et puis les copains qui étaient autour de moi me faisaient remarquer qu'ils étaient encore dans des trains des années 60 et 70, ces trains gris, là, ceux qui sont à un seul étage et qui sont en panne tout le temps et qui arrivent en retard et qui sont inconfortables. Et ils se voyaient arrêter en pleine campagne, du côté de Mitry-Maurice, en train de regarder passer la ligne Macron. Et il y a un comité là-bas contre la ligne Macron. Je ne sais pas s'il faut une ligne ou pas. Je ne discute même pas ça. Je dis que le fait du prince, c'est de décider qu'on fait plus de choix de transport en commun ou de transport collectif, qu'on supprime des travaux au nom de l'austérité et qu'on supprime des choses qui sont nécessaires au service public. Puis qu'il y en a un qu'on protège parce que c'est celui qui sert les riches comme Macron. Bien. Merci Gérard. Avec plaisir. Avant de se quitter, je vais te poser la question du fond. Est-ce que tout ce que tu nous décris là, premièrement, est-ce qu'il y a un espoir d'en sortir ? Deuxièmement, tu sais que tu es à la radio des anarchistes ici et que nous, on est très désireux d'abolir le système d'exploitation capitaliste et d'abolir donc, par la même occasion, le salariat. Est-ce que ce n'est pas ce que tu nous décris dans les désirs des gouvernants actuels, pas à travers la loi Macron, est-ce que ce n'est pas l'échec du réformisme ? Oh non. Ou si ce n'est pas l'échec, qu'est-ce que tu espères ? Oh ben non, qu'est-ce que tu espères, toi ? Il peut y avoir 1000 bonnes réformes pour la sécurité sociale, pour l'école, pour les transports, pour l'environnement, etc., qui soient mises en œuvre. Le mot réformisme, il n'a pas du tout le sens des lois Macron. Les lois Macron sont des contre-réformes, ce sont des choses réactionnaires. Mais tu sais bien qu'actuellement, le mot réforme veut dire contre-réforme. Moi, je le défends. Quand le patronat... Je n'oppose pas réforme ou révolution, moi, je défends les deux mots comme étant progressistes. Et donc, je n'oppose ni l'un ni l'autre. Ce sont des contre-réformes, ce sont des trucs rétrogrades, réactionnaires qu'il y a dans Macron. Ça relève du 19e siècle, pas du 21e. Ensuite, je suis quelqu'un qui défend le salariat. C'est-à-dire au sens où je veux bien l'abolir un jour, mais je sais que le meilleur façon de l'abolir, c'est de se battre chaque jour pour l'augmentation des salaires. C'est-à-dire que si on se bat chaque jour pour l'augmentation des salaires, un jour, on aura réparti les richesses et en conséquence, on pourra peut-être envisager une société dont on pourra toujours rêver. Parce que moi, je suis un socialiste dont la culture est anarchiste, trotskiste, communiste et socialiste. C'est pour ça que je suis pour l'unité de la gauche aussi et contre Macron. Quelle richesse, mon camarade. Oui. Jaurès est l'anti-Macron. Et Macron est anti-Jaurès. Donc les choix d'aujourd'hui, c'est de se battre contre tout ce qui nous est dicté par la finance et de défendre tout ce qui est dans le meilleur de la tradition de la gauche. Gérard Filoche, tu les entends. Ceux qui préparent les élections à venir, ils disent qu'il va falloir prendre des mesures de réforme audacieuses. Il y a réforme et il y a toujours audacieux. Mais nous savons tous que c'est du flan. Ça veut dire mesures réactionnaires, violentes. C'est ça que ça veut dire dans leur langage. Faut décoder. Donc c'est ça que ça veut dire dans leur langage. Moi, ce que j'appelle une réforme audacieuse, je vais vous le dire, c'est d'instaurer tout de suite les 32 heures. C'est de faire que toutes les mutuelles complémentaires, prévoyances, etc., rentrent dans la sécurité sociale. C'est de faire qu'on fasse une réforme bancaire qui sépare les banques de dépôt et les banques d'investissement. C'est de faire qu'on fasse une réforme fiscale où les impôts de ceux d'en bas soient baissés et les impôts de ceux d'en haut soient augmentés. C'est de faire une campagne contre la fraude fiscale, parce que nous avons des centaines de milliards à récupérer parmi les 1% de l'oligarchie qui dirige notre pays. Sans compter les cadeaux de cotisations qu'on fait continuellement aux patrons. Bien sûr, 41 milliards pour les patrons, ils s'en servent pas, ils les placent dans les îles Caïmans. 220 milliards d'aides, c'est comme si aujourd'hui l'État paye une partie des salaires à la place des patrons. Le monde est à l'envers. C'est nous qui payons les cadeaux aux patrons. Bien sûr. Et alors la dette là-dedans, mon bon monsieur, avec toute cette dette qu'on a, hein, on est obligé de restreindre un petit peu notre bonheur qui est insolent. C'est l'épouvantail, le père Fouettard qu'on agite contre les gens. Mais la dette, il faut leur dire aux gens, elle sera jamais payée. Jamais, jamais, jamais, jamais. Mais la dette, elle a été payée. Ce sont les intérêts de la dette, là. Ben, elle n'est pas payée. On paye les intérêts parce qu'on paye pas la dette. Le premier budget de l'État doit être de 52 ou 54 milliards dans les années qui courent, et on resserre le budget de l'État en disant qu'il faut lutter contre les déficits. Donc la théorie, c'est qu'on est descendu, comme disait Michel Sapin, de 5,3 à 4% de déficit. Et ils visent 3,8, 3,5, etc. C'est comme si on resserrait le kiki. La réduction des déficits augmente la dette. Alors les gens ont du mal à comprendre. Tu rembourses la dette et ça augmente la dette. Oui, oui, oui. Parce que si tu augmentes la dette, si tu rembourses, si tu resserres les déficits plutôt, c'est comme quelqu'un qui arrose la rivière pendant que son jardin s'assèche. C'est comme si on dit, la banque dit à un commerçant, paye tes traites, paye tes traites, paye tes traites, et il les paye tellement qu'à la fin, il n'a plus d'argent pour acheter de la marchandise dans sa boutique. Donc, il ferme sa boutique. Et nous, c'est ce qui nous arrive. On resserre le déficit, on donne de l'argent pour les intérêts de la dette, et pendant ce temps-là, l'économie tourne mal. Voilà. Et donc, en vérité, il n'y a plus de recettes, et donc, en vérité, la dette augmente. C'est ce qui arrive depuis 3 ans. Les déficits baissent et la dette est passée de 86% du produit intérieur brut à 96%. Mais je vous dis encore, ça c'est des arguments de libéraux tout ça. Parce qu'en vérité, comme on ne paiera jamais la dette, il faut traiter le problème autrement. La dette est composée de trois parties. Il y a une partie de dette légitime, il y a une partie de dette illégitime, il y a une partie de dette odieuse. La légitime, un État doit avoir des dettes pour les hôpitaux, les écoles, etc. Illégitime, c'est les taux d'intérêt qui nous ont été imposés à un moment donné par des banquiers privés dont on se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans. Ça doit être l'État qui dirigeait et pas eux. Et la troisième chose, c'est des dettes odieuses, c'est-à-dire c'est ce qui a été de façon spéculative détourné par les multinationales dans des paradis fiscaux ou récemment dans LuxLeaks. LuxLeaks, c'est... En Luxembourg, c'est quand même un truc stupéfiant, parce que le gars qui dirigeait le Luxembourg, qui maintenant qui dirige l'Europe, qui s'appelle Jean-Claude Juncker, il a pendant 30 ans blanchi l'équivalent de 2400 milliards d'euros. Et avec 340 multinationales, dont 58 multinationales françaises, et les 58 multinationales françaises, Total en premier, ont détourné quelque chose comme 100 milliards à peu près par an, toutes les dernières décennies. Mais vous dites ça et vous récupérez l'argent, il n'y a plus de problème du point de vue des équilibres budgétaires dont on nous rabâche les oreilles tous les matins. Il n'y a pas besoin de prendre dans la sécurité sociale, dans les collectivités territoriales, il n'y a pas besoin de fermer les budgets dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Vous pouvez réouvrir les vannes et faire du bien aux gens. Alors, au nom du chantage à la dette, on fait du mal aux gens. C'est ça qui est explosif et insupportable. Merci Gérard Filoche. Et pour parodier Béranger, hein, vous savez maintenant contre quoi il faut lutter. Faites-le comme vous voulez, mais faites-le. Merci.